quand on se dit de décennie en décennie que ces questions-là devraient être résolues de manière complète, et force est bien de constater qu'elles ne le sont pas, ou en tout cas, elles ne le sont pas suffisamment. La crise alimentaire mondiale, une catastrophe ou une opportunité, c'est donc de ce thème dont nous allons débattre avec les conférenciers qui sont autour de moi à cette table, que je vais vous présenter très rapidement. Ils y reviendront probablement en démarrant leurs interventions. Et puis je vous dirai quelques mots sur la façon dont on va procéder pour que vous puissiez aussi également les interpeller, profiter de leur présence ici. Donc pour débattre de ce thème, il y aura... Par ordre d'apparition à l'écran, même si on a un... ici, en tout cas, il y a la radio qui est avec nous, Radio Campus. Donc chacun va intervenir. Pierre, qui est ici à ma gauche. Alors Pierre Vauquelin représente donc le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Il vous donnera son point de vue, notamment en ce qui concerne la nature de la crise, la vision qu'il a de la nature de cette crise alimentaire, puisqu'au fond, vous allez voir, on essaie de procéder de manière où on dirait, de manière très universitaire, il y aura deux parties. Une partie qu'on va consacrer à la crise, d'essayer de comprendre quelles sont ses causes et comment elle s'exprime. Et naturellement, quand il y a une difficulté ou une crise, il faut s'efforcer de trouver les solutions. Et la seconde partie des intervenants va essayer de nous dire, notamment à travers des exemples de terrain, des exemples particuliers, à travers les actions qu'ils peuvent conduire ou auxquelles ils contribuent dans le cadre de leurs organisations, comment est-ce qu'on peut au moins avancer sur ces problématiques. On entendra également dans cette première partie qui concerne cette crise, ses causes et comment elle se manifeste, une question tout à fait importante qui sera traitée par Catherine Arrojo-Bonjean, qui est ici et qui est chargée de recherche au CNRS et qui va nous parler des prix alimentaires, de son évolution à travers quelques chiffres, quelques tableaux, pour qu'on puisse avoir une idée précise d'une des causes essentielles de la crise alimentaire, qui est une cause économique, c'est-à-dire la fabrication des prix, l'évolution des prix, qui joue naturellement un rôle décisif. Ensuite, on passera aux aspects de solution. On entendra Julien Chalimbaud, qui est ici à ma droite et qui est responsable de programme de sécurité alimentaire pour Action contre la faim. Il évoquera notamment tout ce qui concerne la mise en œuvre d'actions, en particulier avec un exemple particulier sur le Liberia. Et puis Céline de l'association Anis Étoilée et quelques-uns ou une de ses camarades, Céline qui est ici à mes côtés, va nous parler de la coordination de la campagne alimentaire en Auvergne, donc du Comité français pour la solidarité internationale aussi, je crois, à travers un certain nombre d'exemples ou d'actions qui sont mises en œuvre. Bien, alors, on démarre. Alors, également aussi, du point de vue extrêmement pratique, comme il y aura deux temps, si vous voulez, deux moments, les deux premières interventions, 10 minutes, un quart d'heure chacun. Pierre, s'il te plaît. Eh oui, nous sommes la journée mondiale de l'alimentation. D'après la FAO, 850 millions de personnes souffraient de la faim dans le monde avant cette crise. Alors, on va parler du contexte dans lequel s'est produite la crise alimentaire en question. Alors, je vais exposer très succinctement, bien sûr, parce qu'il faut faire un historique, il va être très rapide, et la crise elle-même sera traitée... Alors, quelles sont les causes de ces famines qui, depuis des décennies, d'après la FAO, touchent entre 800 et 900 millions de personnes dans le monde. Eh bien, on cite tout de suite, quand on réfléchit, les accidents climatiques cycliques dans les pays pauvres, la sécheresse ici, un cyclone là qui détruit toutes les récoltes, les criquets, les guerres, avec les déplacements de population et les saccages des récoltes qui en sont la conséquence. Effectivement, tout ça c'est vrai, mais ces causes représentent moins de 20% des causes de famine. Moins de 20%. Ces événements sont en général médiatisés, d'où des aides de solidarité des pays riches qui se mettent en place pour en limiter les conséquences. Alors, quid des 80% restants ? Alors, un petit rappel historique, et pour simplifier, limitons-nous à l'Afrique subsaharienne. Après l'indépendance de ces États, les pays occidentaux ont fait des prêts avec les meilleures intentions du monde pour les aider à se développer. Les résultats ont été très variables d'un pays à l'autre. Mauvaise utilisation, solutions inadaptées au contexte, corruption, etc. Le surendettement de beaucoup de ces pays pauvres a amené l'intervention des organismes internationaux avec la consigne pour rembourser les prêts, produire pour exporter, c'est-à-dire trouver de l'argent en exportant et abaisser les barrières douanières. D'où augmentation des surfaces destinées à l'export, café, cacao, coton, caoutchouc, aux dépens des productions vivrières, mil, manioc, etc. Dans le même temps, c'était les Trente Glorieuses, les pays occidentaux se sont trouvés dans un contexte de surproduction agricole et ce qui a produit une offre à l'exportation à bas prix avec intervention des États. Bon, cette intervention des États a été très variable et très variée dans le temps. Si on a le temps de parler un peu de la PAC, on reviendra là-dessus, mais ça m'étonnerait. Toujours est-il que ces exportations des pays pauvres vers nos pays ont fonctionné un moment, jusqu'au jour où ces denrées d'export des pays pauvres se sont trouvées elles-mêmes en surproduction. Et oui, les organismes internationaux, au fur et à mesure qu'ils intervenaient dans tel ou tel pays, donnaient toujours les mêmes instructions, produire pour exporter, pour pouvoir avoir des devises. Il arrive un moment où l'équilibre a été rompu et on est arrivé à une surproduction. D'où fluctuation des cours et effondrement des prix. Les spécialistes qui achètent savent faire et savent profiter des écarts entre l'offre et la demande. D'où vente de ces produits à des cours inférieurs aux cours de production. Et là, sans intervention possible des États dans les pays pauvres, parce que les États sont pauvres, parce que aussi ils sont mal organisés, et il n'y avait pas d'organisation paysanne qui permettait de compenser. Le résultat, c'est la paupérisation de ces paysans. Quelquefois ici l'abandon des terres, là le désespoir, avec les corollaires, ici la déchéance, là l'exode rural, l'agglutinement dans les bidonvilles, la haine, et la haine quelquefois envers nos pays, conféré Jean Ziegler qui vient de sortir un livre là-dessus, la violence, la guerre, quelquefois. Il est évidemment plus facile de recruter des combattants dans une population désespérée que dans une population qui vit normalement de son travail. La pression migratoire. C'est donc dans ce monde paysan qui représente 70 à 80% de la population de ces pays. c'est pas les 5% chez nous, que se trouve être la grande majorité des personnes souffrant de la faim dans le monde. C'est dans cette population-là. Ce sont des misères diffuses, donc mal connues, non médiatisées parce qu'elles sont disséminées sur un territoire très grand. Leur cause, ils s'expriment bien souvent par le silence. C'est dans ce contexte que se sont produits les événements récents qui, eux, ont touché les villes, donc ont été plus médiatisés et qui vont être exposés maintenant. Bon, juste quelques mots sur cette carte donc, qui vient de la FAO, non, c'est bon, ça gêne pas, et qui vous montre donc l'état de la malnutrition dans le monde. Plus on va dans le rouge foncé, plus les cas de malnutrition sont nombreux et graves. Et on voit tout de suite là où se concentre la malnutrition aujourd'hui, donc essentiellement dans les pays les plus pauvres, dans les pays que l'on dit les moins avancés, et qui sont pour la grande majorité situés en Afrique au sud du Sahara. Alors, quelques mots, le titre de la conférence de ce soir peut paraître un peu curieux pour beaucoup d'entre vous. Je ne l'ai pas d'ailleurs entièrement repris, le titre étant « Crise alimentaire, catastrophe ou opportunité ». Je crois que posé dans ces termes, une crise alimentaire peut guère être une opportunité. En revanche, la flambée des prix agricoles, l'augmentation des prix agricoles, certainement, oui, peut être une opportunité pour les paysans, en tout cas. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je voudrais d'abord dire que cette flambée actuelle des prix, hein, cette flambée que l'on observe en réalité depuis, voilà le graphique... qui l'illustre, donc le graphique qui donne le cours du blé à, je ne sais plus sur quel, à Chicago. C'est un relevé donc des cours boursiers et c'est du blé américain. Ce sont des dollars courants, donc en dollars par tonne. Et donc on voit bien la flambée récente des cours. Elle démarre en 2007, fin 2007, et elle atteint son pic en mai 2008, un truc comme ça. Alors, cette flambée des cours, cette flambée en dollars courants, en réalité, il faut voir qu'elle s'inscrit dans une baisse tendancielle des prix réels des produits agricoles en particulier, des prix des matières premières en général. Donc ça, c'est un premier paradoxe dont tout le monde n'est pas conscient quand on entend parler, quand on nous rabat les oreilles avec cette histoire de la flambée des cours. Flambée des cours, oui, mais... En termes constants, c'est-à-dire déflatés par l'indice des prix à la consommation, vous voyez que la flambée, la soi-disant flambée actuelle des cours, finalement, c'est un pic parmi d'autres, mais même presque un pic modeste, en tout cas, par rapport à ce qu'on a connu dans les années 70, donc dans l'histoire très mouvementée des prix des matières premières et des matières agricoles en particulier. Donc, une hausse, oui, mais une hausse qui, d'ailleurs, prend un caractère tout à fait transitoire, puisqu'on assiste à un retournement des cours depuis juin, depuis l'été 2008, et les prix continuent à redescendre. Donc, une hausse qui, pour l'heure, apparaît plutôt transitoire, et comme, encore une fois, un épisode un petit peu banal, finalement, dans la vie mouvementée de ces matières premières. Et qui s'inscrit dans une tendance, là, sur 40 ans, qui est plutôt baissière. Et en réalité, ce qui préoccupe, et ce qui, quand même, malgré tout, continue à préoccuper la plupart des agriculteurs aujourd'hui, que ce soit au nord ou au sud, d'ailleurs, c'est plutôt cette baisse à long terme, ces niveaux relativement bas des prix à long terme, que la hausse d'aujourd'hui. Hein, vous voyez que sur 40 ans, le pouvoir d'achat unitaire d'un paysan producteur de blé, il a été divisé par 10, là, à peu près. Voilà, donc une hausse, oui, mais qui s'inscrit dans une tendance plutôt baissière. Ceci dit, il n'est pas exclu non plus. Là, il semblerait qu'on assiste à une certaine stabilisation de la baisse. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on reparte sur un mouvement de hausse, mais ça, je ne saurais le dire. Ça, c'était pour l'évolution des prix sur les marchés internationaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les pays en développement? ne pourrais pas apporter une réponse générale, mais vous donner quelques informations sur des cas particuliers, et notamment sur des pays d'Afrique. Et là, on se rend compte que la situation, en réalité, est très contrastée. Et que, contrairement, là encore une fois, à ce qu'on nous raconte un peu trop rapidement, eh bien, on n'a pas assisté, ou on n'assiste pas dans la plupart des pays, à de flambées des prix. Là, par exemple, vous avez les prix du maïs. Alors, le maïs comme le blé hein, a connu une augmentation spectaculaire sur les marchés internationaux. Mais vous avez ici le prix du maïs au Mali, sur une longue période. Là aussi, des évolutions très, très mouvementées. Hein. Mais vous voyez, 2007-2008, il ne se passe rien. Il ne se passe rien au Mali. Bon, il ne se passe pas grand-chose non plus au Sénégal pour ce qui concerne le maïs. En revanche, au Sénégal toujours, mais pour le riz, là, oui, quand même, en 2008, on voit une augmentation des prix courants, hein, je suis en prix courant, mais qui est plus modeste que ce qu'on a vu sur les marchés internationaux et qui, là aussi, prend un caractère assez transitoire. Donc, tout ça pour dire qu'il est difficile d'avoir un discours très général et complètement alarmiste sur cette augmentation actuelle des prix. C'est vrai, alors elle a été constatée au niveau international. Cette augmentation n'a pas forcément été transmise sur les marchés des pays en développement et notamment des pays africains. Ceci pour différentes raisons, notamment pour des questions de taux de change, puisqu'il faut voir là que je vous parle de pays rattachés, dont la monnaie est rattachée à l'euro, que l'euro s'est fortement apprécié par rapport au dollar. Le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Et que par conséquent, la hausse des prix en dollars convertis en euros, des prix en dollars convertis en euros, ont finalement peu bougé, ou en tout cas moins qu'en dollars. C'est ce qui explique ce tassement des cours. Et puis, bon, il faut en rechercher aussi les raisons dans un certain isolement de ces marchés domestiques vis-à-vis du marché international. Alors maintenant, quelques mots quand même sur les conséquences de cette hausse. Alors, conséquences de la hausse, elles sont diverses, essentiellement selon la situation des États, selon que les États sont exportateurs nets de produits agricoles, auquel cas ils sont gagnants, les prix agricoles ayant augmenté, ils vont gagner. S'ils sont importateurs nets, là au contraire, ils vont perdre, puisque la facture d'importation s'alourdit. Et encore une fois, ça va être le cas là, de nos PMA, des pays les plus pauvres, qui eux sont effectivement en situation d'être importateurs nets de produits céréaliers notamment. Donc eux, clairement, souffrent de l'augmentation des prix internationaux. Mais il faut descendre encore maintenant à l'échelon inférieur, au niveau des populations. Si les États globalement importateurs nets de céréales sont perdants du fait de la hausse des prix, pour les populations, elles, à nouveau, il y a divergence entre producteurs et consommateurs. Les perdants sont évidemment les consommateurs, et notamment les consommateurs urbains. Mais les producteurs, les petits producteurs du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, etc., qui, eux, ont souffert pendant des décennies de bas prix pour leurs produits, pour leur maïs, pour leur blé, pour leur riz, ou même pour les céréales locales, eux sont plutôt a priori très avantagé par l'augmentation des prix. Et cette augmentation des prix internationaux, si elle leur est transmise, et on l'a vu, ça c'est pas certain, mais si elle leur est transmise, est effectivement pour eux une opportunité, l'opportunité de pouvoir développer des productions enfin rentables. Mais on tombe là dans ce que l'on appelle le dilemme des prix agricoles, à savoir qu'il est difficile à travers des prix agricoles, à travers un système de prix, difficile de concilier des intérêts complètement divergents des producteurs d'une part, qui, eux, profitent de prix élevés, et des consommateurs, d'autre part, qui, eux, évidemment, souffrent quand les prix alimentaires. Et c'est toute l'ambiguïté aussi des débats autour de la question, selon le point de vue que l'on adopte, plutôt celui du consommateur urbain ou plutôt celui du petit producteur dans sa campagne. Évidemment, on va trouver que la hausse des prix, c'est une bénédiction ou au contraire une malédiction. Tout ça aussi pour dire que, d'une façon générale, toutes les mesures de politique agricole qui sont axées sur les prix sont quelque part condamnées à l'échec. On ne réussira jamais, à travers les manipulations de prix, à satisfaire les intérêts de tous les agents. Et au contraire, on crée ce que l'on appelle en termes économiques des distorsions dans le système d'incitation qui vont avoir des effets négatifs pour la collectivité dans son ensemble. Je passe là-dessus. Un mot quand même, toujours pour cette crise, une opportunité, cette augmentation des prix, une opportunité pour les producteurs de pays en développement. Oui, à condition que les politiques agricoles qui jusque-là ont été menées changent et ne comportent plus ce que l'on appelle ce biais urbain. Il faut être conscient que les politiques agricoles dans un grand nombre de pays en développement, et notamment les pays d'Afrique au sud du Sahara, comportaient un biais urbain, c'est-à-dire que ce sont des politiques qui clairement sont orientées pour favoriser les intérêts des consommateurs urbains, et ceci, tant pis, au détriment des producteurs. C'est-à-dire que ces politiques ont été établies de sorte à maintenir les prix alimentaires au niveau les plus bas possible, donc en maintenant des tarifs à l'importation à des niveaux bas. Et les États ont la possibilité d'augmenter ces tarifs, mais la plupart du temps, ils ne le souhaitent pas. Ils ne le souhaitent pas, pourquoi ? Pour ne pas aggraver les difficultés alimentaires des citoyens des villes, qui, eux, sont très rapidement dans la rue, prêts à manifester sous les fenêtres de la présidence. Donc voilà, c'est des politiques qui jusqu'à présent ont plutôt favorisé les consommateurs au détriment des producteurs, et c'est ce qui explique aussi en partie l'état assez catastrophique des agricultures vivrières d'un grand nombre de ces pays, des agriculteurs qui ont souffert d'investissements de moins en moins importants ou de plus en plus faibles depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et puis alors vraiment deux mots. Sans proposer de solution, mais si on veut que cette augmentation des prix au niveau international se transforme en une relance et une opportunité pour les producteurs agricoles, il faudrait au moins déjà que cette augmentation des prix leur soit effectivement transmise. Donc il faut s'assurer de la neutralité des autres mesures de politique économique qui seraient susceptibles d'amortir cette hausse ou d'anéantir la transmission au niveau des producteurs. Je pense là surtout aux politiques de change et aux politiques commerciales. Et puis après, assurer un environnement favorable au développement de la production. Ça suppose notamment d'accéder aux crédits, d'accéder aux intrants agricoles et d'une façon plus générale de restaurer un cadre institutionnel favorable au développement de l'investissement agricole, ce qui pour l'instant est très loin d'être le cas. Les prix, on les maintient à la baisse, alors on maintient à la baisse les prix, ou alors quand les prix augmentent, ça profite toujours aux mêmes. On a tous compris que les perdants étaient toujours les mêmes, c'était les populations des pays précisément qui sont victimes de ces situations-là. Donc, voilà, alors on verra après pour les solutions, et puis là vous en avez évoqué quelques-unes. Est-ce que vous avez déjà sur ces deux premières interventions un nombre de questions à leur poser ? Pourquoi est-ce que les subventions ne peuvent pas aider à faire en sorte que les paysans produisent une denrée chère, enfin qu'ils vivent de leur denrée, et en même temps les consommateurs profitent de tout ça ? Parce qu'en fait, on n'a plus de. Tout dépend de ce que vous entendez par subvention. Traditionnellement et jusqu'à assez récemment, les subventions, notamment les subventions pratiquées en Europe, prenaient la forme de soutien de prix. Soit un soutien sur les prix payés aux producteurs, donc autrement dit, on paye les producteurs européens deux fois, voire trois fois plus cher que le prix international. Et si le producteur est payé deux ou trois fois plus cher, le consommateur, lui, qui achète le produit, lui aussi, il va le payer plus cher. Donc c'est pour ça que, alors ça fait partie de ce qu'on a, ce type de mesure donc, qui vise à modifier les prix de marché, hein, à les subventionner ou voire à les faire baisser quand on parle des intrants agricoles. Ce type de mesure donc crée des distorsions par rapport aux équilibres de marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui on préfère à ce type d'aide des aides dites neutres du point de vue économique, c'est-à-dire des aides à caractère forfaitaire, des aides aux revenus. Et on parle dans l'agriculture d'aides découplées, c'est-à-dire d'aides qui vont être versées aux producteurs indépendamment du niveau des prix, indépendamment du niveau des productions. Donc on donne une aide aux revenus qui est la même, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que les prix soient hauts, que les prix soient bas, mais ils ont ce revenu minimum, au fond, assuré pour un certain nombre d'années, qui doit leur permettre de se maintenir dans le secteur, et de tirer bénéfice des hausses de prix lorsqu'il y en a, et de survivre lorsque les prix sont bas. Est-ce que sur cette question des prix et cette question aussi de la capacité des paysans à réagir en fait en cas de hausse ou de baisse des prix, je crois qu'on est quand même dans des contextes où la structuration paysanne est très faible et en tout cas n'a en plus pas été aidée à la fois par l'absence de politique agricole dans les pays et aussi sur le rôle que jouent les commerçants. Bon, ça c'est peut-être plus un témoignage de ce que j'ai vécu en Mauritanie. Au moment de la crise, il y a une véritable spéculation sur les denrées, si tant est qu'on pouvait faire des péréquations entre des zones excédentaires et d'autres moins. Les commerçants ont joué un rôle extrêmement négatif dans cette capacité de faire circuler les marchandises librement. Et est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une nécessité aussi de peut-être d'intégration du marché, c'est un peu pieux, mais d'entente au moins sous-régionale sur en cas de crise de pouvoir libéraliser la circulation de ces denrées-là. Alors oui, je vais peut-être répondre rapidement. Le rôle des commerçants en situation de crise. Alors les commerçants, baptisés entre guillemets les affameurs du peuple, ça c'est sont les premiers à recevoir les pierres quand il y a crise alimentaire quelque part. En fait, il est extrêmement difficile d'arriver à déterminer si, de par leur comportement, ces commerçants, en stockant les céréales quand les prix étaient bas, si réellement ils ont contribué à aggraver l'augmentation des prix ou pas. C'est un sujet qui est vraiment source de controverse et la réponse n'est pas aussi évidente qu'il pourrait paraître. Par contre, deuxième partie de votre question, l'idée d'une solidarité régionale en cas de crise et notamment lorsque, par exemple, quand il y a eu crise alimentaire au Niger en 2005, la sécheresse avait particulièrement affecté ce pays. Et on a vu à ce moment-là que les pays voisins, membres de la même zone d'intégration économique, membres de la même unité monétaire, union monétaire, ont répondu à la crise en fermant leurs frontières, en interdisant les exportations du Burkina vers le Niger, du Mali, vers les autres pays. Donc c'est un cas effectivement d'échec mais d'échec des politiques, qui est effectivement très, très déplorable, puisque ça a eu pour effet d'aggraver la crise dans les pays plus profondément affectés par les conditions climatiques. Ouais. Il faut clairement des réponses communes, régionales, mais voire internationales, à des crises généralisées de grande ampleur. Alors moi, c'est pas tout à fait une question, enfin, c'est une remarque question. C'est pour souligner... Dans certaines régions les plus pauvres, justement, des pays, justement, les plus pauvres, donc des PMA, justement, l'effet en un certain sens de la hausse du prix qui est touché par les consommateurs, mais dont ne profite pas les producteurs, car les producteurs sont, pour la grosse majorité, uniquement des cultivateurs qui ne font que autoconsommer, qui ne vendent 0% de leur production. Et c'est dans certaines régions les plus pauvres, c'est malheureusement la très grosse majorité des producteurs qui ne sont uniquement cultivateurs. C'est-à-dire que, ne vendant pas leur production, ils ne peuvent toujours pas acheter. Et de toute façon, la production n'est pas plus chère parce que de toute façon, ils ne la vendent pas. Donc dans ces cas-là, la crise, elle ne la touche pas extrêmement puisque de toute façon, ils n'achètent extrêmement peu. Mais... cet effet positif pour une certaine partie de la population et une certaine partie des actifs qui, là, malheureusement, ne peut pas leur bénéficier, étant donné qu'ils ne participent pas au marché. Et seulement quelques cultivateurs, enfin, moi je fais partie je témoigne un petit peu d'une expérience, mais dans les régions les plus pauvres, certains producteurs sont producteurs, donc. Participent au marché, mais la plupart des producteurs sont uniquement des cultivateurs qui font de la consommation, d'autoconsommation exclusive. Oui, mais les situations sont très contrastées au niveau des producteurs. Il y a ceux qui sont excédentaires et qui effectivement vont profiter, et puis ceux qui sont malgré tout acheteurs nets de céréales, puisqu'effectivement, il y en a même qui n'arrivent pas à s'autosuffire et qui vont sur le marché compléter leurs besoins. Donc ceux-là, effectivement, sont en situation de consommation, ils sont consommateurs nets, donc ils sont affectés négativement par l'augmentation des prix, c'est clair. Ce que vous soulignez aussi, c'est la faiblesse des actifs, je dirais, de ces producteurs agricoles qui, même pour ceux qui sont autosuffisants, voire légèrement excédentaires, vont avoir du mal à profiter d'une hausse des prix dans la mesure où leurs actifs, leurs moyens de production sont excessivement limités. La plupart du temps, l'accès à la terre est assez problématique. L'accès à la main-d'œuvre en dehors de la main-d'œuvre familiale est aussi compliqué. Le marché de la main-d'œuvre n'est pas aussi, il ne fonctionne pas de façon aussi efficace qu'on le voudrait bien. L'accès au crédit extrêmement difficile, l'accès aux intrants plutôt rare. Donc c'est tout un environnement qui est à revoir ou à aménager pour permettre aux producteurs de profiter, de pouvoir exploiter cette opportunité du marché. Ouais. Si je peux compléter là-dessus, là je reviens d'Éthiopie au mois d'août et c'est particulièrement le cas, l'exemple que vous citez, ça concerne plutôt la majorité des agriculteurs qui sont dans cette situation-là, où on a un effet saisonnier qui est très connu, puisque au moment de débourser l'argent pour acheter des intrants, que ce soit des semences ou des engrais, c'est là où les prix sont les plus importants et où les capacités d'investissement de ces petits agriculteurs sont les plus faibles. Mm-hmm. Et souvent, ils s'endettent à ces moments-là pour avoir ces capacités de production. Et les remboursements de crédit se font au moment de la récolte, donc au moment où les prix sont les plus bas, et où donc ces gens-là ne profitent pas du tout de la hausse des prix d'une façon générale, puisque à la récolte, ce n'est pas là où les prix sont les plus élevés. Et ça concerne vraiment, dans certains pays, une grande majorité des paysans qui sont dans ces cas-là, même ceux qui sont excédentaires et qui peuvent produire au-delà de leur propre consommation, ne peuvent pas profiter de ces prix-là, aussi parce qu'ils ont, très peu de capacité d'information pour prévoir les prix du marché et voir quels vont être les prix au moment de la saison des pluies, ou c'est la saison en général où les capacités d'investissement sont les plus faibles. Je résumerai en disant que des prix rémunérateurs, c'est la condition sine qua non d'une augmentation de la production, mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est évident. Juste pour un chiffre concret, là, sur les intrants, sans parler du pétrole, de la hausse des prix, etc., les prix des intrants ont fortement augmenté. En Éthiopie, en trois années, le prix du sac de 50 kg d'engrais est passé de 200 lires à 800 lires, donc une multiplication par 4. Et 800 lires pour acheter 50 kg d'engrais, ça représente à peu près le prix pour nourrir une famille de 6 personnes pendant un mois et demi. Donc forcément, quand on est petit agriculteur, qu'on a une petite capacité d'investissement, bonjour, et qu'on a le choix entre payer 50 kg d'engrais ou nourrir sa famille pendant un mois et demi, le choix n'est pas forcément un choix. C'est sûr. Oui. Monsieur ? Depuis la plus haute antiquité, les États ont le moyen de réguler le prix des denrées alimentaires en stockant quand il y a des surplus et en déstockant quand il y a des pénuries. L'Europe l'a toujours fait. Pourquoi les autres pays ne peuvent pas le faire ? Il y a un désintérêt des politiques vis-à-vis de leur population ou quoi ? Enfin, c'est un moyen simple. Ah oui, mais qui a été utilisé très largement un peu partout à travers le monde, en Europe et dans les pays du Sud aussi. Seulement, il faut avoir les moyens de financer ce type de politique. Les stocks et les excédents européens en beurre, en lait, etc., nous ont coûté suffisamment cher. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a arrêté. Au Niger, au Mali, au Burkina, et on avait mis en place exactement des stocks publics, des stocks nationaux de céréales. Mais bon, encore faut-il que les États aient la capacité de financer ces stocks sur plusieurs mois, des stocks qui vont être achetés à un prix considéré comme bas, mais qui ne seront pas nécessairement ensuite revendus à un prix beaucoup plus élevé. Et la plupart du temps, la gestion de ces stocks s'est avérée excessivement coûteuse et absolument insupportable pour les budgets de ces pays. Il faut du froid, ça se périme quand même. Et puis c'est surtout un pari sur l'avenir, un pari sur l'évolution des prix. Et là, vous avez vu l'évolution très mouvementée des prix. On n'est jamais sûr de gagner, on n'est jamais sûr qu'en stockant aujourd'hui, on va revendre demain plus cher et suffisamment cher pour couvrir les coûts, ne serait-ce que de cet argent immobilisé. Et l'idée étant qu'il vaut peut-être mieux placer l'argent des stocks, il vaut peut-être mieux le placer, alors aujourd'hui, peut-être pas, mais il faut peut-être mieux le placer sur les marchés financiers, ou enfin trouver des placements relativement sûrs si ça existe. Pour faire appel à cet argent et à travers cet argent à acheter sur le marché international quand il y a besoin. Il y a des exemples de banques céréalières qui existent, qui sont notamment présentes au Niger, et au niveau soutien, c'est oui, mais à des niveaux plus modestes que ces stocks publics dont on parle. Oui, oui, oui, mais elles sont nécessaires, mais à des niveaux, localisés, ou à des niveaux régionaux. Mais là, on parlait de stocks publics. Gérés par des sociétés publiques et des stocks nationaux et qui, là, se sont avérés des gouffres financiers. Pardon ? C'est reproductible. Mais ça peut avoir l'exemple. Avoir vertu d'exemple. Oui, donc, mais le problème, c'est quand on passe à une grande échelle, les risques d'erreur et le coût de l'erreur devient vite insupportable. Il me semble aussi qu'il y a un élément important, c'est que, dans ces pays du Sud, c'est pas comme chez nous. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les productions vivrières et les productions de rente et d'exploitation. Là. Mais pour les productions vivrières, je crois quand même qu'en tout cas dans la zone sahélienne, par exemple, c'est évident que quand les productions sont plus importantes, et bien, la consommation est plus importante. Les stocks n'évoluent pas exactement comme la production, parce qu'il y a beaucoup d'années, de toute façon, tout le monde se serre la ceinture. On produit peu, on consomme peu, et après, si on produit beaucoup plus, on consomme beaucoup plus déjà, parce que les besoins ne sont pas couverts en période néfaste. Donc ça limite quand même l'impact de ce que je dis sur les céréales, je crois. Parce que pour les productions d'exportation, par contre, bon, les caisses de stabilisation, tout ça, ça existe, comme vous disiez, depuis très longtemps, et ça a souvent très bien fonctionné, je crois. Hein, voilà, je pense, là, on a déjà anticipé sur les solutions. Hein, d'ailleurs, c'est tout à fait logique, donc je vous propose qu'on... L'impact de la hausse des prix, qu'est-ce que la hausse des prix au niveau international a eu comme impact sur les pays, et donc en parlant bien sûr un peu plus des pays du Sud. Qui est principalement touché par la hausse des prix, c'est ce qu'on appelle the bottom million, c'est-à-dire le milliard d'êtres humains qui vivent avec moins de 1 dollar par jour et par personne. Et qui dépense bien sûr la plupart de ce dollar dans l'alimentation, donc qui va se faire au jour le jour. Où est-ce que ça va s'impacter le plus? C'est partout dans le monde. L'impact de la hausse des prix a un impact partout, en France, ailleurs. Mais bien sûr, ceux qui vont être le plus touchés vont être les pays qui ont les plus faibles revenus, et ceux, bien sûr, qui sont plus dépendants par rapport aux importations à l'international. Cet impact est bien sûr hétérogène d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur d'un même pays. Je ne vais pas citer les chiffres, mais juste pour montrer que ce soit au Liberia ou au Bangladesh, la hausse des prix au niveau national n'est pas du tout la même, alors qu'on est sur les mêmes périodes. Dans un même pays, d'une région à une autre, on peut avoir des hausses des prix qui sont complètement différentes. Et bien sûr, on peut avoir des hausses des prix quand on passe d'une zone rurale à une grande ville ou une capitale, qui ne vont pas avoir du tout les mêmes tendances économiques. Donc juste vous montrer ces quelques chiffres pour vous dire qu'il y a une grosse hétérogénéité de l'impact de la hausse des prix au niveau international sur l'économie des familles, des ménages. Donc après, on pourra rediscuter un petit peu, si vous voulez, des différences. L'impact le plus fort, finalement, va se trouver sur les pays qui dépendent énormément des importations et qui sont dépendants des prix internationaux. Et à l'intérieur de ces pays, l'impact va être le plus fort sur les familles qui vont principalement acheter leur nourriture Et donc, surtout les pays en zone urbaine, donc on a beaucoup parlé de l'impact sur les zones rurales, les paysans, la FAO, au dernier sommet, a beaucoup parlé de ça et oriente beaucoup sa réponse par rapport aux politiques agricoles et rurales. Il n'empêche, l'impact aussi est assez fort par rapport aux familles qui vivent dans les villes et qui doivent acheter leur nourriture pour s'alimenter. Donc là, je vais juste vous parler d'un exemple d'une population urbaine touchée par la crise. Donc en prenant la capitale du Liberia, Monrovia. Bon, quand j'ai préparé le diaporama, je n'avais pas de carte sur mon ordinateur. Désolé, j'ai juste une photo. Donc Liberia, ouais, c'est sur Afrique de l'Ouest, sur la côte, frontière avec Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Donc vraiment Afrique de l'Est, de l'Ouest, sur la bande côtière. Donc juste pour vous présenter un petit peu le contexte du Liberia, c'est un pays qui sort de 14 années de guerre civile, donc un pays largement déstructuré, tant au niveau des infrastructures que des appareils gouvernementaux. On sort de la crise, on est dans une période assez stable. Au niveau politique, il y a des efforts qui sont faits en matière de développement et d'investissement. Mais les effets de 14 années sont toujours présents, évidemment. Et bon, j'ai débranché, mais il n'y a pas eu d'impact. Voilà. Donc c'est un pays qui dépend beaucoup des importations, du pétrole pour 25% du budget des importations, et des importations alimentaires, un quart aussi du budget, enfin du budget des importations, et donc deux tiers pour le riz. Alors ça s'explique principalement par l'importation assez massive de riz provenant des États-Unis, donc qui a un prix, bonjour encore. Donc du riz des États-Unis qui a un prix largement inférieur au riz produit localement. Donc là on va retrouver aussi une situation où un pays va se retrouver assez vulnérable par rapport à la hausse des prix. Et ce qui est important de voir aussi pour le Liberia, c'est un peu un pays divisé en deux, avec la bande côtière qui est plus urbanisé, plus développé, plus orienté vers l'international, alors que l'intérieur du pays, ben, ce sont plus des populations rurales, paysannes, qui sont plus tournées vers l'autoconsommation, la production alimentaire, et donc qui ont été beaucoup touchées pendant la guerre civile et qui n'ont pas bénéficié de toutes les politiques de développement récemment. Et notamment, ils ont très peu d'infrastructures, et notamment des routes, donc ce sont des zones assez isolées. En termes d'exportation, et ben on a une seule richesse qui a été développée, c'est le caoutchouc, qui représente 92% des exportations en valeur. Donc une dépendance massive sur une seule production, qui a bien sûr été soutenue. Et le caoutchouc au Liberia, c'est principalement une entreprise, Firestone, qui a des dizaines de milliers d'hectares de concessions au Liberia pour produire du caoutchouc, et donc qui emploie des Libériens pour exploiter le caoutchouc. Et juste pour petite anecdote, ils payent beaucoup leurs employés avec du riz américain, donc qui représente une partie du salaire de leurs employés. Et donc, bon, je l'ai cité un peu plus haut, mais une production de riz nationale qui est assez faible et coûteuse pour plusieurs raisons. Les 14 années de guerre civile qui ont fait que des grands mouvements de réfugiés qui ont été dans les pays voisins, notamment Sierra Leone, et donc un abandon des cultures, enfin des zones de culture. Et bon, le Liberia, c'est la jungle, c'est vraiment très vert, donc vous laissez vos champs pendant un an ou deux et après vous revenez. Ce ne sont plus vraiment des champs, donc les zones productives ou potentiellement productives ont plutôt diminué pendant ces années de guerre civile. Et donc, on a des zones de production qui sont relativement faibles, des infrastructures pas du tout développées, et donc un coût du transport pour amener le riz jusqu'à la capitale Monrovia qui sont forts et qui empêchent aux agriculteurs d'exploiter ce marché de la capitale de Monrovia. Et donc, oui, juste pour citer l'impact de la hausse des prix de l'essence, qui a un impact sur les coûts du transport, et donc qui fait que la production nationale est aussi coûteuse. Les causes au niveau macroéconomique de la crise de la hausse des prix, je vous ai cité un peu tous les. Le contexte du Libéria qui fait que c'est un pays qui a été assez vulnérable par rapport à la hausse des prix à l'international, notamment du riz, qui a eu des problèmes pour ne serait-ce que pour s'approvisionner en riz, puisque, comme on l'a cité plus tôt, certains pays ont bloqué leur exportation pour pouvoir garder leur production pour leur propre consommation. Donc il y a eu un problème d'offre sur le marché international. C'est forte vulnérabilité par rapport à la hausse des prix. Il y a aussi un effet boomerang des pressions internationales pour un commerce sans taxes. Donc ça revient aussi un peu à ce que vous disiez sur le contrôle des prix des denrées alimentaires. Alors un des seuls instruments de taxation qu'a le gouvernement libérien se trouve sur les produits importés, notamment les produits alimentaires, donc le riz. Là, ça a été vraiment ce que je cite plus bas, le dilemme économique, ce que vous citiez tout à l'heure. Est-ce que dans ce cadre-là, le gouvernement libérien doit plutôt favoriser un prix bas pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent avoir accès au riz, ou est-ce qu'il faut plutôt fixer un prix plutôt élevé pour pouvoir favoriser la production locale et donc essayer à moyen terme ou à long terme de moins dépendre des importations internationales. Donc là, c'est vraiment un dilemme dans lequel le gouvernement libérien est tout à fait dedans, quoi. Et l'effet boomerang, c'est en fait tout de suite après la crise, le gouvernement libérien a décidé d'enlever la taxe qu'ils avaient sur le riz importé provenant des États-Unis, pour pouvoir baisser le prix à la consommation et donc favoriser l'accès aux consommateurs. Et alors cette perte de taxes a eu un effet positif sur le prix. Par contre, c'est pour le gouvernement libérien, ça représente une baisse du budget de 6 millions de dollars, ce qui représente à peu près deux fois le budget du ministère de l'Agriculture et un tiers du budget du ministère de la Santé. Donc ce ne sont pas du tout des sommes modiques ou anecdotique, ça a vraiment un impact assez fort. Ça, c'est pour le prix du riz à l'importation. Si on fait la somme de toutes les taxes qui sont prélevées par le gouvernement sur les produits alimentaires importés, ça représente un tiers du budget de l'État. Donc, on peut effectivement aller vers une libéralisation, une diminution de ces taxes-là pour favoriser un marché, etc. L'impact sur un budget de l'État dans le cas du Libéria est très fort. Sur l'exploitation des ressources naturelles, en ces temps de crise, il est très tentant de retourner vers une exploitation rapide et un peu brutale des ressources naturelles du pays. Donc le Libéria, c'est le caoutchouc, mais c'est aussi le fer, c'est aussi le bois. Donc il y a une forte tentation du gouvernement aussi de promouvoir les concessions type Firestone à d'autres investisseurs qui seraient prêts à venir au Libéria pour pouvoir exploiter ces ressources naturelles. Mais si ça se fait dans la précipitation, s'il n'y a pas de contrôle de ces marchés-là, le retour pour les gens du pays, le taux de retour n'est pas forcément maximal. Et comme je citais tout à l'heure aussi, les facteurs saisonniers sont ici assez importants, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure par rapport au prix du marché qui sont le plus fort en saison des pluies qu'au moment de la récolte. Donc, juste pour revenir sur l'impact que ça a eu sur les familles de Monrovia, une certaine inégalité par rapport au prieuré. Alors là, juste pour exemple, il y a une mesure du gouvernement libérien sur le contrôle des prix du riz qui était de fixer un prix plafond au sac de riz de 50 kg. Donc ce prix plafond était fixé pour le sac de riz de 50 kg, mais les familles les plus pauvres n'achètent pas un sac de 50 kg, ils achètent des petites coupes qui représentent 4 kg, et ces prix-là n'étaient pas contrôlés. Et donc les familles les plus pauvres qui devaient acheter leur riz par coup de 4 kg ont donc été plus impactées par la hausse des prix que les familles plus aisées qui pouvaient acheter un sac de riz de 50 kg, qui quand même, au plus haut de la hausse des prix, représentait l'équivalent d'un mois de salaire d'un fonctionnaire au Liban. Donc quel impact ça a eu? Directement un changement des habitudes alimentaires, une diminution de la consommation de riz. Alors sachant que le riz, c'est vraiment le plat du Libérien. S'il n'y a pas de riz dans le plat, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc c'est vraiment l'aliment de base et vers lequel les Libériens vont se tourner en premier. Donc ça va être un changement en termes de quantité, en termes d'apport complémentaire. Donc c'est souvent mélanger une petite sauce avec des légumes ou de l'arachide. En période de hausse des prix, ces compléments alimentaires vont largement diminuer et on va se retrouver avec une ration uniquement de riz et de riz plutôt de moins bonne qualité plutôt que le riz américain qui reste relativement cher. Changement des dépenses, moins de dépenses orientées vers les choses plus accessoires qui vont être la santé, l'éducation, les habits. Donc qui représentent les 20-40% autres que l'alimentation. Donc je dis accessoire, c'est bien sûr pas accessoire, mais dans ces périodes de crise, le budget va s'orienter forcément beaucoup plus vers l'alimentation qui représentait déjà une majorité du budget. Alors des phénomènes de décapitalisation, ça c'est surtout bon, pour les zones rurales, ceux qui ont... Vous parliez des systèmes bancaires tout à l'heure. Quand il y a des excès de nourriture, bon, ben, une banque facile, c'est d'acheter des animaux, acheter des vaches, acheter des chèvres qui représentent un capital assez important pour une famille et qui peut être revendu en période difficile. On a observé aussi une participation accrue des enfants à l'économie familiale qui vont aller vendre, faire du petit commerce au marché. Pour essayer de ramener un peu d'argent. Un autre impact aussi, ça a été les réseaux sociaux qui ont été désorganisés. Donc là, c'est pas que la hausse des prix, hein, c'est aussi 14 années de guerre civile qui ont fait que les réseaux ont été complètement désorganisés. Et dans ces périodes de hausse des prix, forcément, on a moins d'entraide entre les familles. Et donc, juste pour finir, la malnutrition continue. Dans les centres d'action contre la faim, donc on est à 200-250 admissions par mois en TSP, donc c'est Therapeutic Feeding Program. Donc ça, c'est pour les enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë et donc qui sont dont leur vie est en danger. Et 500 enfants en SFP, Supplementary Feeding Program. Donc là, c'est pour les traitements d'enfants qui sont atteints de malnutrition modérée. Donc, le temps est j'ai rien de très nouveau par rapport à ce qu'on a dit, c'est un peu des redites. Par rapport au positionnement d'ACF, nous, ce qu'on a préconisé à court terme, en tant qu'ONG, on n'est pas non plus en mesure de changer les politiques gouvernementales, on vient là juste en appui au gouvernement locaux et faire ce qu'on peut. Donc ça va être de réduire les impacts négatifs de la hausse des prix, donc essayer d'augmenter les capacités de détection et de réponse à la malnutrition, c'est ce qu'on a fait. Réduire les risques de malnutrition des personnes plus fragiles. Donc là par contre, on a proposé un programme de cantine pour les enfants, mais qui n'a pas été financé, donc ça, on pourra y revenir. À moyen terme, c'est aussi d'essayer de diversifier les sources de revenus, favoriser l'autosuffisance alimentaire qui pensent aussi par des... Là, on a lancé un programme, enfin, en cours de financement également, mais pour faire des jardins potagers autour de la ville de Monrovia sur des terrains qui ne sont pas exploités. Juste pour finir, juste pour montrer que le Liberia, enfin, c'était vraiment l'exemple du pays qui est très vulnérable à la crise, avec des faibles revenus et puis une forte dépendance à l'importation. Si on parle de l'Éthiopie et de la Somalie, on a aussi des hausses de prix qui sont énormes, mais qui sont juste une combinaison aussi de facteurs de sécheresse, de conflits, d'insécurité, de dévaluation des monnaies nationales. Donc là, juste pour vous, pour élargir un petit peu sur le fait que le Liberia est un cas un peu à part. Également la Centrafrique, bon là c'est une jolie carte qui ne marche pas. En Centrafrique, l'exemple inverse, on a une faible hausse des prix, uniquement 10%. Pourquoi ? Parce que les productions agricoles sont relativement suffisantes pour l'alimentation de base. Bon, je passe sur la conclusion. Juste pour vous dire également que l'impact a été fort, a été long. On s'en sort relativement bien. Néanmoins, sur ce qui reste à venir, c'est on ne prévoit pas au niveau international une baisse des prix relativement forte. Là, les populations ont été fortement éprouvées en termes de leur résistance par rapport à cette hausse des prix. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des effets saisonniers qui sont très forts. La saison qui est passée était assez dure, et la saison qui va suivre le sera sans doute tout autant. Voilà, merci. Merci. Bien. En fait, hein, au niveau des politiques. Donc le CFSI réfléchit beaucoup avec ses membres et a des propositions à faire pour remédier au problème de la faim dans le monde, qui n'est pas un problème tout à fait récent. Simplement, la crise alimentaire, on a montré l'aboutissement, hein, jusqu'où on pouvait arriver avec toutes les politiques qui ont été mises en place avant. Donc la campagne alimentaire, elle vise bien à décrypter les phénomènes en jeu actuellement, et surtout donc la politique de libéralisation qui a été menée depuis les années 80 et qui nous a amené donc dans une impasse. On voit aujourd'hui avec la crise alimentaire qui a généré une crise sociale. Aujourd'hui, on est en plein dans une crise financière, et donc c'est tout ce système global là qui génère des catastrophes un peu partout. Tout à l'heure, on n'a pas abordé, en fait, je pensais qu'on allait faire en fait, dans la première partie, les grandes causes de la crise alimentaire, en fait, hein, pourquoi les prix avaient autant augmenté. Donc, qui pour moi mettent en avant aussi les problèmes structurels hein, du fonctionnement actuel. Donc, par exemple, l'augmentation de la demande en céréales par rapport à la consommation de viande, par rapport à la production de viande, donc aussi bien dans nos pays qu'en Chine. Elle est liée à un certain modèle alimentaire. Bon, ça, c'est très spécifique, mais on peut peut-être, on verra dans les solutions qu'éventuellement, on pourrait peut-être, par exemple, manger moins de viande. Les mauvaises récoltes dans des grandes zones de production. Donc là, il y a une spécialisation au niveau mondial. On a voulu spécialiser l'agriculture en certaines grandes régions qui vont produire pour le reste du monde. On voit la catastrophe quand... quand il y a un manque et que du coup certains pays vont fermer leurs frontières, comme la Thaïlande. Moi j'étais en Thaïlande au moment de la crise, il y avait des manifestations tous les jours dans la rue, des consommateurs sur place qui voulaient que le riz reste chez eux. Donc le gouvernement est obligé de prendre des mesures, et du coup de l'autre côté, en Afrique, eux se retrouvaient avec un manque d'accès au riz. Donc là, ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat vont se retrouver coincés. Les stocks alimentaires au plus bas, tout à l'heure on a déjà une discussion au niveau des capacités de stockage. C'est pas du tout un problème récent. Hein. Les pays africains avaient tout à fait des capacités de stocker. Traditionnellement dans les villages, il y avait différents types de greniers pour stocker à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans. Les États avaient mis en place aussi tout un tas de systèmes de stockage. Tout ça a été démantelé par les politiques... de libéralisation, enfin, suite aux politiques de libéralisation qui ont été mises en place avec les plans d'ajustement structurel. Donc, il n'y a pas non plus de... Enfin, il y a des choses à dénoncer dans ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, on est dans une politique de, enfin, une logique, on va dire, de flux tendu, qui convient peut-être bien à nos économies à nous, qui fonctionnent assez bien, on va dire. Mais déjà, c'est pas évident. Mais alors, dans les pays où où on a du mal à circuler avec les marchandises, où il y a tout un tas d'autres problèmes qui se posent, le flux tendu, là, il vaudrait peut-être mieux l'oublier. Les agrocarburants, donc ça, on en parle beaucoup, du développement des agrocarburants. Donc là, c'est le choix entre alimenter nos moteurs ou alimenter les populations. Cette semaine, on a reçu des Brésiliens, dans le cadre de la campagne alimentaire, on a reçu donc des Indiens Guarani, qui étaient avec nous à Lande samedi dernier, qui nous ont expliqué que normalement, ils devraient avoir droit à récupérer leurs terres traditionnellement qui appartenaient à leur peuple. Et du fait de la pression pour la production des agrocarburants, aujourd'hui, il n'est plus question de leur rendre leurs terres. Et les grandes multinationales brésiliennes ou européennes qui sont là-bas pour développer du bioéthanol à visée exportatrice, donc sont en train de confisquer leurs terres. Ces terres qui normalement devraient servir à les nourrir. Donc ils sont cantonnés dans des petits coins, ils sont en train de crever de faim, leur culture disparaît, mais donc on va livrer leurs terres à des grandes entreprises pour la production d'agrocarburants. Et donc ces agrocarburants qui ont été développés largement déjà aux États-Unis, je crois que c'est 30% de la production de maïs qui est passée dans les agrocarburants, donc ça a aussi augmenté la pression sur... sur l'accès à l'alimentation, entre autres pour les Mexicains qui consomment pas mal de maïs. La spéculation, donc, on en a parlé un petit peu au niveau des commerçants en Afrique, mais à mon avis, ce n'est pas eux qui s'en fait le plus de fric sur le dos des paysans. Je ne sais pas si vous devez utiliser Internet de temps en temps. Donc moi, j'ai quand même été assez choquée en pianotant là, sur Yahoo de voir qu'il y avait des propositions d'achat de céréales et tout ça qui est arrivé en pleine crise. Donc acheter du blé, acheter du maïs, vous allez gagner du fric, super, c'était génial. Donc ça a aussi joué un petit rôle quand même. Bon, alors le problème c'est qu'entre les différentes parties, on ne sait pas trop quel est l'impact de ces différentes causes. Donc pour moi, la régulation, donc pas seulement pour moi, on le voit aujourd'hui, nos dirigeants nous disent qu'il faut réguler les marchés qui sont devenus fous, et ben il faut aussi réguler les marchés agricoles. Ça va un peu dans le même sens. Par rapport à la sécurité alimentaire, on nous parle beaucoup de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, c'est permettre à sa population d'avoir accès à une alimentation, de pouvoir manger à sa faim. Donc dans les pays riches, on peut se permettre d'acheter sur le marché international, et on pourra nourrir sa population. Dans les pays pauvres, on n'est plus du tout dans la même logique. Quand il y a une crise, comme on est encore dedans, ceux qui ont le moins de moyens ne vont pas vraiment avoir accès à ce marché international, où ils vont voir les prix doubler, tripler, et il faudra diminuer par 3 ou par 4 les rations, ou sacrifier pas mal de choses. Donc la sécurité alimentaire pour les pays pauvres, ça ne va pas se faire par le marché mondial, hein. Ça va plutôt se faire par d'autres moyens. Et là, nous, avec la campagne alimentaire, donc, on se bagarre pour plutôt que la sécurité alimentaire, le droit à la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, chaque peuple, chaque pays, en fait, mais surtout les peuples, en associant les peuples, de choisir leur modèle alimentaire et leur modèle agricole, de pouvoir déterminer leur politique agricole. Et de pas se voir imposer leur politique agricole par d'autres groupes, d'autres puissances, comme par exemple la Banque mondiale, le FMI, voire nos pays. Donc en conséquence, pour pouvoir produire donc, et vendre sur le marché local, pour pouvoir assurer sa souveraineté alimentaire, donc, il faut une partie pour les pays pauvres de production locale, donc relocaliser la production. Pour ça, comment on peut faire? Donc, vous avez remarqué, pour certains qui ont peut-être connu cette époque, après-guerre, chez nous, on a aussi connu une crise alimentaire sévère, avec des rationnements, tout ça. On a mis en place une politique agricole, commune en plus, avec d'autres pays voisins. Et grâce à ça, en subventionnant, donc en appuyant la production, pour la modernisation, l'organisation des marchés, mais aussi, fondamentalement, en fermant nos frontières, en protégeant nos frontières, on a pu développer un marché intérieur accessible aux producteurs et on a pu donc progressivement augmenter notre production. À tel point qu'en quelques, enfin, une décennie, pratiquement en une quinzaine d'années, on est devenu même exportateur. Donc ce type de procédé, il n'a pas seulement été employé en Europe, il a aussi été employé à Taïwan, en Corée du Sud. Donc tous ces pays-là qui avaient le... Enfin, c'était la peur des communistes voisins qui ont incité donc, les États-Unis en particulier à faire pression sur ces pays pour que se mette en place une vraie politique agricole et la réforme agraire. Donc en France, on n'a pas eu besoin de faire la réforme agraire. Mais dans ces pays-là, on a eu besoin. Et grâce à ça, quand même, aujourd'hui, c'est les pays qui sont parmi les plus riches du monde. Taïwan et la Corée du Sud. Parce qu'ils ont pu se développer à partir d'une paysannerie qui est devenue en fait la classe moyenne sur laquelle a reposé après le développement du pays. Donc ce modèle-là, il est peut-être à réfléchir aussi pour les pays africains en particulier, mais aussi latino-américains. Donc c'est une des propositions qui est portée par la campagne alimentaire de permettre aux pays de s'organiser entre eux avec un même niveau de productivité. Des pays qui ont un même niveau de productivité qui puissent avoir des barrières un peu plus solides au niveau de leurs frontières communes. Et puis à l'intérieur, donc, soutenir, développer une véritable politique agricole. Donc, garantir un accès aux producteurs. Parce qu'un producteur, l'agriculture, c'est pas comme n'importe quelle production. C'est pas cette année je fais ça, l'année prochaine je fais autre chose. Voilà, en fonction des opportunités, là, comme nous prépare la politique agricole commune, comme on nous l'a dit tout à l'heure, hein, on vous paye un salaire et puis chaque année vous faites en fonction des opportunités. Mais l'agriculture, pour ceux qui sont un petit peu dans la profession ici, je ne sais pas, moi je suis ingénieur en agroalimentaire et en agronomie tropicale, donc j'ai travaillé à ce titre-là pas mal en Amérique latine. Et ici je travaille sur le développement de l'agriculture biologique. Donc l'agriculture, ça veut dire aussi des rotations. Donc chaque année, pour enrichir son sol, pour avoir un sol qui est vivant, qui fonctionne bien, qui puisse nourrir les plantes, il faut faire des rotations. Donc ça veut dire qu'on va le prévoir sur quelques années. Et chaque année, on ne va pas, en fonction des opportunités, de marché, saisir, aller dans un sens ou dans un autre. Donc ça veut dire qu'il faut assurer un marché assez stable, assez construit pour les producteurs. Pour ça, donc, aux frontières, avoir des taxes ou avoir... C'est moi qui marche sur... Hein. Avoir des taxes ou des quotas, comme on peut l'avoir encore en Europe. Pour que au sein de ces unités en fait de pays, enfin pour qu'ils puissent en fait développer une agriculture et surtout des échanges, il faut aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, développer les infrastructures, parce que c'est beaucoup plus facile pour un pays africain d'Afrique de l'Ouest de faire venir la marchandise depuis le port jusqu'à sa capitale que de bouger entre les capitales de ces pays ou même d'aller dans la campagne d'un coin à un autre. Donc il y a des problèmes d'infrastructure qui sont quand même conséquents. Et peut-être que s'il y a des moyens à mettre, nous, de notre côté, pour appuyer le développement de politique agricole, le développement de ces pays, c'est aussi dans les infrastructures. Redévelopper les capacités de production locales en direction des besoins alimentaires de la population. Donc ça veut dire, pour ça, on en a déjà un peu touché deux mots tout à l'heure, ça veut dire permettre aux paysans d'avoir accès aux semences. Donc ça veut dire redévelopper des systèmes de production des semences qui ont existé mais qui ont été supprimés du fait des politiques de libéralisation qui ont été imposées aux États, qui ont dû arrêter de subventionner leur agriculture, arrêter leur politique agricole qui existait déjà avant. Et puis les banques de semences qui existaient, les systèmes de subvention des intrants qui existaient, tout ça, ça a disparu. Hein. Aujourd'hui, en Afrique, on paye l'école, on paye pour aller se faire soigner. Enfin, tout est payant, puisqu'il a fallu sabrer au niveau des dépenses des infrastructures publiques. Donc là, il y a un véritable massacre, en fait, hein, au niveau du fonctionnement des États africains. Après qu'il y ait de la gabegie, ça, on pourra en rediscuter. Mais de toute façon, il y a quand même... le minimum qui est nécessaire au développement d'un pays, des gens formés, des gens en bonne santé, qui a disparu pratiquement. Donc l'accès aux semences, l'accès aux engrais, donc les engrais, ça peut être aussi la production d'engrais au niveau local. Donc c'est redévelopper, par exemple, la production de compost, former les gens pour qu'ils puissent produire du compost. Ça veut dire aussi, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, hein. Les légumineuses, par exemple. Pour ceux qui sont un peu dans l'agronomie, c'est intéressant. C'est un engrais, c'est des plantes qui vont nourrir la terre, qui vont donner, apporter de l'engrais à la terre. Donc ça, on l'utilise encore ici beaucoup dans l'agriculture biologique, un peu moins dans l'agriculture conventionnelle, mais encore, ça s'utilise encore, heureusement. Mais c'est vraiment des solutions intéressantes pour les agricultures des pays du Sud, qui sont entre autres mis en avant par Dufumier, Marc Dufumier, un professeur à l'INA à Paris, qui intervient beaucoup sur ces sujets. Et il y a des recherches qui se font, il y a des possibilités, donc c'est dommage que les pays ne puissent pas en profiter. L'accès à des financements, bien sûr, ça c'est fondamental. Donc redévelopper un système de banque rurale avec un financement... je vais bientôt finir, ça va vite après. La formation, l'accompagnement pour aller vers une agriculture à la fois productive, mais aussi durable. Donc il ne s'agit pas d'aller à fond vers l'engrais chimique, mais bien d'utiliser les ressources locales, et il y en a, pour pouvoir avoir une agriculture, par contre, plus intensive, plus productive quand même. Et donc on peut avoir du matériel pour ça, beaucoup plus de le recours à la traction animale, par exemple, ou à des petites machines, enfin un minimum auquel ils n'ont pas du tout accès pour l'instant. Les capacités stockage, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, pour limiter la spéculation. Et puis la réorganisation de marché, peut-être aussi pour les produits exportation. Donc ça veut dire, globalement, un appui à la mise en route de véritables politiques agricoles adossées à des moyens. Donc les chefs d'État, ils sont réunis à Maputo en 2003, les chefs d'État africains. Ils avaient décidé de consacrer 10% du budget, de leur budget, à l'agriculture. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. Donc il y a aussi, dans les négociations internationales, aussi sous la pression des populations africaines, mais aussi nous, on peut faire des choses, pousser les États pour qu'ils respectent leurs engagements, les États africains. Concrètement, c'est la dernière partie, stopper les négociations à l'OMC pour libéraliser encore plus l'agriculture. Donc ça, les paysans ici attellent pour l'instant. Mais nous, ici, nous, nos pays riches, on est en train de négocier, donc on brade notre agriculture pour pouvoir aller vendre des produits, des services sur les marchés des pays du Sud. Donc on leur demande d'ouvrir leurs frontières pour qu'on ait accès à leurs marchés. Et nous, on doit ouvrir nos frontières aussi pour qu'eux puissent avoir éventuellement accès à nos marchés agricoles. Mais la solution, ce n'est pas qu'ils produisent pour l'exportation, c'est plutôt qu'ils produisent d'abord pour eux. Et après, pour l'exportation, en partie. L'année dernière, on a beaucoup... La campagne alimentaire, elle portait sur les APE, les accords de partenariat économique. Donc c'est aussi ne pas signer et mettre un terme à ces accords de partenariat économique qui visent encore la libéralisation. Comme l'a expliqué Julien tout à l'heure, c'est faire sauter toutes les taxes aux frontières qui, pourtant, constituent la principale ressource pour la plus grande majorité de ces pays. Après, donc, la fin des subventions aux exportations, ça, c'est ce qu'on peut faire chez nous. C'est nous bagarrer par rapport à la réforme de la PAC pour qu'on arrête de subventionner le lait, la viande à l'exportation pour aller se placer à bas prix sur ces marchés et faire de la concurrence complètement déloyale aux productions locales. Ça, c'est dans les clous, a priori, ça devrait se faire en 2013. Faire un bilan des politiques économiques imposées par le FMI et la Banque mondiale aux pays qui ont emprunté, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les années 70-80, là, il y a eu une forte incitation à l'emprunt sur le marché mondial parce qu'on avait beaucoup de liquidités, donc il fallait bien le passer quelque part, cet argent. Donc on les a fortement incités à s'endetter. Et après, il n'y avait pas les moyens de rembourser. Donc aujourd'hui, ils sont avec leur dette là, qui les tient complètement prisonniers. Le FMI et la Banque mondiale leur ont imposé des plans d'ajustement structurel pour pouvoir, pour qu'ils puissent rembourser, soi-disant. Mais surtout, il fallait sabrer toutes les dépenses de l'État. En même temps, ça brait toutes ces politiques qui étaient en place avant. Donc là, il faudrait peut-être faire un vrai bilan de ce qui a été fait, où on en est, et voir s'il ne faut pas réorienter la politique menée par le FMI, la Banque mondiale, pour répondre un peu plus aux objectifs du millénaire, qui étaient de voir diminuer par deux le nombre de gens qui souffraient de la faim d'ici 2010. Donc là, 2015. Donc là, on voit que ça a augmenté. Là, on en est à 920 millions. Et puis, ce qu'on peut faire au niveau, chez nous encore, en France, c'est essayer de faire pression sur nos gouvernants et au niveau européen pour que l'aide publique au développement, elle soit au niveau de ce qui a été promis, c'est-à-dire 0,7% du budget, et puis qu'une part beaucoup plus importante soit consacrée à l'aide à l'agriculture, à l'appui à l'agriculture. Après, c'est nous, ce qu'on prône aussi, c'est soutenir toutes les initiatives qui encouragent l'agriculture familiale, qui permettent... et favoriser les liens producteurs-consommateurs en France. Donc qu'on se pose aussi des questions sur notre manière de consommer et qu'on soit plus solidaire avec les producteurs, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde, donc aussi avec le commerce équitable. On voit qu'en juin, à la FAO, au sommet de la FAO, pour relancer l'agriculture, sauver de la faim 800 millions de personnes, ils avaient demandé un budget de 30 milliards de dollars. Et ils en ont eu grassement, apparemment, 7,5 milliards à dépenser sur 4 ans. Enfin, ce qu'ils ont sur 4 ans. Hein ? La FAO. La FAO, c'est l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, qui s'occupe de tous les... C'est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture. Et donc, il y a une grande réunion en juin suite à la crise alimentaire pour voir ce qu'on pouvait faire par rapport à la crise alimentaire. Et ils ont mis ils travaillent là-dessus depuis tout le temps, depuis des années. Ils ont demandé 30 milliards de budget pour pouvoir résoudre les problèmes. Ils en ont trouvé 7,5 milliards sur 4 ans. Là, on est en crise financière. Vous avez vu les sommes astronomiques qu'ils ont trouvées en 2-3 jours. Donc, tout ça pour dire que, fondamentalement, c'est un problème politique. Je pense que c'est clair. Donc, il faut de la volonté politique, aussi bien chez nous que dans les pays du Sud. Il ne s'agit pas de dire que c'est de notre faute et que là-bas, allez, les pauvres... Non. Là-bas, ils ont aussi leurs gouvernants qui ont besoin d'être un peu secoués. Donc il y a des organisations paysannes qui commencent vraiment à bouger un peu partout en Afrique, beaucoup en Amérique latine, en Asie aussi. On voit que le mouvement commence à monter parce que là, la coupe est pleine. Et donc nous avons Fifi ici avec nous qui pourra témoigner après de ce qui se passe et comment les femmes en particulier s'organisent au Mali pour trouver des alternatives. Mais c'est aussi la société civile qui peut faire pression sur les gouvernants et permettre à la situation de changer. Mais pour conclure, donc ça nous concerne tous. Il ne suffit pas d'attendre que certains décident pour nous de résoudre les problèmes. Si on ne s'y met pas, ça ne changera pas. Voilà. Merci.